J'ai pas entendu. Pourquoi les gens se sentent obligés d'avoir un portable? Bah parce que c'est super à la mode, parce que c'est mieux pour communiquer et tout et. Le Larsen. Bon, Manu. Oui, tu me calmes et c'est faire, parce que pour l'instant, ça va pas. Donc si c'est avec des portables, c'est pas la peine. Je te le dis. C'est pas un portable, moi. C'est pas des portables. Ouais, mais t'as un son pourri. Bah c'est pas moi. Ah non, c'est pas toi, c'est qui? J'en sais rien, mais c'est pas moi. Ouais, c'est bizarre. Alors donc, grosse antenne. Ouais, mais les portables, c'est pour se raconter en société, je pense. Ouais. Parce que c'est pas indispensable. Tu peux préciser le fond de ta pensée? Ça va être dur, mais en fait, les portables, c'est pour recevoir les coups de fil. D'ailleurs, je dis bonjour à tous les itinéristes. Bon, c'est bon, lui, tu me le... Mais pourquoi? Non, Manu, s'il te plaît. Oui. Tu le prends en antenne, tu lui dis que les bonjours à 2h du matin, c'est terminé. Non, c'est pas possible. Il est pas 2h. Je travaille chez eux, c'est pour ça. Je ne veux pas le savoir, il n'y a pas de bonjour. Bon, bah, excuse-moi, alors. Bon, et puis j'ai répondu à la question. Ok, Gabriello. Ouais, ben moi je crois que les portables c'est l'avenir de demain. Hein. Parce que franchement, maintenant, aujourd'hui, si t'as pas de portable, ben tu peux pas téléphoner. Hein. Ouais, mais il y a quand même des cartes des cabines téléphoniques. Et... Ouais, moi je suis pas une crevarde comme toi, je passe pas ma vie dans une cabine, tu vois. Tu vois, moi je passe plus ma vie dans les cabines, d'accord? Ouais, bah ouais, si tu veux, mais de toute façon, tu te calmes, tu ne parles pas comme ça déjà. Attends, si t'es pas contente, c'est le même prix. Putain, bah oui, je suis pas contente, mais c'est pareil, quoi. Non, mais moi je te dis, si t'es pas contente, c'est le même prix. Ouais, exactement. Je fais ce que je veux. Ouais, vous payez pas? Ah bah alors dans ce cas, si ça te plaît pas, ma petite, tu raccroches tout de suite, ok? Ça me plaît, mais voilà, quoi. Bon, bah alors, je te parlerai comme j'ai envie, ok? Non, mais attends, c'est rare, un peu de respect, quand même. Non, mais attends, moi, je te demande de répondre à la question, c'est tout. Ouais. Bah, je réponds, mais tu m'insultes, alors moi... Non, attends, pour l'instant, je t'ai pas insulté, alors maintenant, soit tu réponds correctement à la question, soit tu dégages. Pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît, Gabriello, ok? Ouais. C'est moi qui commande le jeudi sur mes débats. Ouais. Alors, toi, tu te tais aussi. Bande de salopes. Moi, je t'emmerde, connard, hein, celui qui a dit bande de salopes. Manu, tu me sers, là. Ça y est, c'est parti. C'est bon, quoi. Alors, monsieur Bouygues. Ouais, ben, écoute, c'est monsieur Bouygues à l'appareil. Donc, moi, en fait, mon rêve dans la vie, c'était de faire de la CIBI. Et comme j'avais pas, en fait, le courage de m'attaquer directement à la CIBI, je me suis dit que d'abord j'allais me faire la main et m'entraîner un petit peu avec un portable. Donc en fait, voilà, j'ai un portable pour m'entraîner, quoi. Mmh. Ouais, non, je pensais que la CIBI, ça te ferait plus traiter que ça. Non, mais de manière des débats sur la CIBI, j'en ai fait deux d'affilée. Ouais, tu peux quand même dire que le portable, c'est quand même une bonne école avant de rentrer dans le milieu de la CIBI. De manière, la CIBI a existé bien avant le portable. T'as du monde derrière. T'as du monde derrière toi. Ah, il y a quelqu'un qui a du monde derrière lui, là. C'est pas moi. Faut serrer les fesses, hein. Monsieur Bouygues. Ouais, serre les fesses. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Putain, mais c'est n'importe quoi, mais je vais gérer. Manu, tu me gères ça vite. Ouais, d'accord. Justement. Bon, GG, je me suis retourné, j'ai personne derrière moi. Tiens, hein. À ce propos, il y a Checkmat Bebop qui te demande si on peut faire de la CB avec son portable. Bah ça, de toute manière, l'expérience... Bon, vous fermez vos gueules derrière, merci, quand je réponds à la question qui m'a été posée. Donc, je pense qu'on a eu l'expérience il n'y a pas longtemps avec Max qui a appelé trois routiers par Sibi. Il y en avait qui étaient avec des portables. Ouais. Bon, un chauffeur routier que je connais très bien qui habite à face de chez moi. Ouais. Il était avec un portable et... Ouais. Dans son camion, et vous l'avez, il a été contacté, même les deux autres personnes de Lyon. Juste avant, ouais, on l'avait contacté juste avant. Ouais. Sinon, il y a Aspi qui demande si on donne le droit d'avoir un portable, doit-on de fait en offrir un à tous les bœufs de la campagne? Non, mais ça, plus le débat. La question, c'est plus la question sur les bœufs de la campagne. Si, parce qu'en même temps, on me disait qu'un portable, c'est utile quand tu tombes en panne à la campagne. Ouais, mais ça. Si, parce qu'il y en a beaucoup. Si. Il y en a quand même qu'on a aussi à la campagne. Oui, à la place de Gabriello, on accueille Vibreur. Ah! Oui, bonsoir, Jean. Salut, Vibreur. Salut à toi. Bonsoir. Oh là là là là là! y a des vibreurs. Il y a des portables. Trois grosses antennes, tu t'écrases. Il y a des portables à l'antenne, on peut en faire un débat. La grosse antenne, ta gueule. Là. Gérard, c'est toujours d'accord. Tu restes tranquille, toi, c'est juste marrable. Bon, Manu. Oui, mais c'est toi qui... Manu, tu gères ça vite fait. Tu dis rien, tu lui laisses bien. Tu vas me gérer. Ça vite te fait bien fait. D'accord. Alors, on va dégager. D'accord. On continue, là. Ouais. Alors, peut ton téléphone... Faut continuer, là. Non, dépêche-toi, Charles. Peut-on téléphoner avec son portable dans l'avion ou le train? Gérard, je voulais juste te demander un truc. Tu me demanderas hors antenne. Tourette. Alors, peut-on téléphoner avec son portable dans l'avion ou le train? Non, non. On demande ça à un SFR. Alors, à mon avis, on peut pas... Ah, ça fait malin. Non. T'as juste eu le temps de le couper. Non. Fais gaffe, toi, là-bas. Je l'ai géré, hein. C'est Manu qui l'a viré, c'est pas grave. Je réponds? Vas-y, SFR. Donc, à mon avis, on peut pas téléphoner avec un portable dans un avion, parce que sinon, ça dérègle toutes les commandes du monsieur qui conduit l'avion. Parce que ça envoie des ondes et tout. Mais par contre, dans le train, je suis sûre qu'on peut téléphoner. Non, c'est faux. Les gens. Oh, tu t'écrases, toi. D'accord, tu vas pisser ailleurs qu'avec ton portable. Ok, on devait en entendeur, salut pour toi. Grosse antenne. Oui, alors, c'est plus facile de téléphoner dans le train. Que... Bon, ouais, allez. Manu, tu prends grosse antenne hors antenne. Non. Non, mais c'est dans la vie. Là, c'est impossible de travailler comme ça. Là, t'es en train de me faire de la merde, donc moi, je continue pas comme ça. Ok? Gérard, sur IRC, il y a Davy One Ola qui te demande si on peut aller sur Internet avec son portable. Justement, c'est la question que j'allais te poser, mais je pense que toi qui as l'habitude de travailler sur l'Internet, est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont appelé par l'intermédiaire d'un portable sur l'Internet? Ben non, ils passent par l'ordinateur. Donc, la question, j'y renvoie la balle, donc la question, c'est impossible. Bah si, c'est possible. Bah non. Puisque l'ordinateur, il est branché sur le téléphone, il peut peut-être le brancher sur un portable, je sais pas, faut que... Ouais, mais là, pour que son portable, il aille une capacité assez longue, hein. Parce que la facture, bonjour l'angoisse, hein. Et sinon, il y a Speedman chez Proximus, il te demande si le réseau itinériste, s'il donne l'itinéraire pour aller à la campagne. Arrête les conneries, Rigo. Non, mais attendez, parce que là, je voudrais que Manu, il arrive à me calmer là, un peu cela. Ça y est, ils sont tous très calmes, hein, Gérard. Donc, alors, la question, ou sinon, c'est Pilder qui fait le con. Je peux pas, j'ai rien. Donc, la question, c'était... C'était quoi, là, pour que je te réponde? C'est, est-ce que le réseau itinériste donne l'itinéraire pour se rendre en campagne? Non, je pense. Non. Non. Alors, vibreur. Oui, donc moi, le portable, je le prends jamais, de toute façon, dans le train ni dans l'avion, c'est interdit. Moi, il me sert que quand je vais faire caca, pour, par exemple, quand je participe à faire des débats ou des trucs comme ça. D'accord. Et là, t'as un portable vibreur? Ouais. Ouais, alors, Manu... Je ne demandais pas ce que je suis en train de faire. De quoi? Il me semble que j'avais dit non pour les... Non, il n'y en a pas. Si, le vibreur, il y a un portable, et c'est lui qui... C'est un portable, c'est un 06. Voilà. Et alors, je saurais si c'est un portable. Et alors, un 06, c'est quoi? C'est la Guadeloupe. Bah, c'est ça, mon con. Ouais. Monsieur Bouygues. Ah, mais il est plus là, lui. Si, bien sûr que je suis là. Il est encore là, lui? Bah oui. Ouais, t'as été viré, toi. Mais toi, t'es tout raide, toi. Mais j'avais personne. C'est Gabriello qui est parti. C'est non, moi je suis là, je suis tranquille, GG. Oui. Alors vas-y. Moi, je n'ai pas de portable en avion et en train parce que pas de prise. Donc pas de prise, pas de portable, c'est aussi simple que ça. C'est tout simple, je sais pas ce que t'en penses. T'en penses pas, quoi, pas de chocolat. Mais moi je peux vous dire une chose. Quoi? Que les portables en avion sont interdits. Oui, parce qu'il n'y a pas de prise. Mais même c'est interdit. Alors, c'est bien. Attendez. Je vais te répondre à toi, monsieur Bouygues, et puis je vais tous vous répondre. Les portables dans l'avion, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est bien précisé déjà, avant d'embarquer, qu'il faut éteindre ses portables. Alors, dans le train, je ne sais pas, parce que j'ai pas vu de trucs, des affiches comme ça. Dans les hôpitaux, c'est interdit. Où c'est que ça est encore interdit? Ben, les avions, les hôpitaux et je pense les morgues, que... Les morgues. Non, je pense pas. Non, ça dérange pas. Mais pourquoi il n'y a pas de prise alors? Explique-moi pourquoi il n'y a pas de prise. Dans les avions? Ah oui, ou dans les trains? Non, mais ça, dans les trains, il y a des cabines ils ont installé maintenant dans les TGV ou autres. Je pense que dans les grandes lignes, je sais pas si ça fait. Paris-Bâle. Je sais que maintenant, c'est avec des cabines téléphoniques. Maintenant, les portables sont... Je sais pas si c'est autorisé. Il y en a beaucoup encore dans le train qui ont des portables. Non. Ça, c'est vrai. Mais par contre, dans les avions, ça, je sais que c'est strictement interdit, même dans les hôpitaux. Allô? Non, je peux pas, là. Je suis occupé. Donc voilà, pour... Ouais, n'empêche qu'il n'y a pas de prise, quoi. Par contre, Rigaud... Ouais. La question qui va venir, j'espère que tu peux me donner le prix avant que tout le monde me le donne ou pas. Bah, je sais pas, je la connais pas. Si, tout à l'heure on en a parlé, le prix d'un portable en euros. Ah ouais, j'ai cherché, j'ai toute la liste. Alors combien coûtera un portable en euros? On va demander ça à Monsieur Bouygues. Ouais, bah écoute, moi j'ai un peu des business. Donc si tu veux que ça soit en euros, en francs ou en copec, je peux te l'avoir pour pas cher quoi qu'il arrive. Manu, tu me gères ça vite fait. Pourquoi? Attends. Tu me gères celui qui est avec un portable et qui est avec une autre toilette. Vite fait, bien fait. Okay. C'est bon, j'ai filé mon petit caca. Alors, toi, monsieur Bouygues? Ouais, je te disais, moi j'ai un peu des business à droite à gauche. J'ai dû tomber de camion. Donc, si tu veux, du SFR, du Bouygues, du itinériste, tout ça. T'as mis dans le 9-4? Moi, voilà, tout à fait. Moi, il n'y a pas de problème, que ça soit en euros, en francs, en dollars ou en copec. Je te demande combien coûtera un portable en euros. Je te demande pas où tu les as piqués, connard. Alors, vibreur. Ouais, non, mais attends, quand je le mets dans ma poche, il me coûte le même prix, hein. C'est vrai. Complètement con, celui-là. Complètement con. Attends, bon, je te réponds. La baramine qui me sert à fracturer le camion, elle me coûtera à peu près 30 euros. Voilà. Et tu pourras me la ramener? Au revoir. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Après, au revoir, monsieur Bouygues. Pas de frigo. Au revoir, monsieur Bouygues. Arrêtez avec les portables. Non, mais là, ça commence à bien faire, là. Ouais, on arrête, hein, ouais. Bon, tu m'envoies la plug du disque et ils vont répondre. Bah, c'est bon, pas de disque. Ouais, ben moi. Je réponds. Alors, les 100 piles en folie avec des heures de pointe dans ma boîte à caca maintenant. Gérard, sur l'IRC, ils n'ont pas du tout compris le nom du disque. Donc, si tu pouvais calmement répéter le nom du disque, parce que là, il n'y a personne qui l'a compris. Arrête. Shoot dans le menu. Là tu me le gères, tu me fais quelque chose. Je vais te voir se barrer. Non. Regarde les smarts, Gérard, je viens de te voir sourire. Je viens de te voir, Gérard, je viens de te voir sourire. Arrête, DJ. Tu commences à me casser les couilles, parce que le monde va gérer les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rien, justement. Quoi, j'ai entendu boîte à caca. Non, mais c'est le titre, c'est pour ça qu'on en a rigolé, parce que tu l'as dit de façon drôle. Un pauvre con, c'est toi qui arrête pas de faire le bordel derrière. Non, il n'y a rien, là. Bon, alors, combien coûtera un portable en euros? Donc, si quelqu'un avait des chiffres à me donner, donc oui, moi. C'est qui? Ouais, je suis Ericsson. Gérard, tu m'excites avec tes moustaches. Ericsson, je l'ai eu sur Internet, c'est un spécialiste des tarifs en euros. Donc, alors, vas-y. Des tarifs en euros, des nouveaux portables. Vas-y, dis. Alors, le Motorola SM102, 380 euros. Non, mais je te demande, un portable, combien coûtera un portable en euros, c'est tout. Je veux pas savoir les marques, j'en ai rien à foutre. Le Nokia SR402. On s'en fout. On a le Ericsson n'est pas cher, en fait. Manu. Tu me prends Ericsson, là, tu lui dis que je vois pas les marques. Bah, il y a un problème, je peux pas le mettre en antenne, il bosse dans le truc et... Mais moi, je veux pas le savoir. Il y a des préférences. Non. Il peut donner les prix sans donner les marques. Bah ouais, mais il arrête pas, là, depuis tout à l'heure. La messagerie automatique. Bah, demande-lui. Bon alors, Ericsson, sans donner les marques, combien coûte un portable en euros, s'il te plaît, maintenant? 400 euros. C'est faux. Oh, mais merde, bougeonne un peu. C'est vrai. Eh, toi, c'est pas, arrête de te marrer comme une pute, parce que tout à l'heure, tu as dégagé. Attends, mais tu m'appelles la pute? Ouais. Hein? Maintenant, ça va être clair et net aussi, toi. Madame, la pute, quoi. Ne vexe pas la chienne. Oh là là. Arrêtez avec vous, tout à l'heure, sérieux, ça se fait pas. Gérard, tu je sens que vous allez vous calmer là tous parce que tout à l'heure vous allez tous virer. 600 euros, 600. Ok. Moi j'ai 138,461. Ouais, c'est ça. Ouh, excellent. Alors tiens, bah, tu vas répondre. Bah, bah ça y est, de manière, tout le monde a fait le tour de la question. Tout le monde. Non, pas moi. Qui ? Vibreur. Bah si, t'as fait le tour de la question, t'arrêtais pas de faire le compte depuis tout à l'heure. Non, moi je pense qu'un portable, ça coûte 30 euros. C'est ça, j'en suis sûr, j'en ai acheté un hier, et ça m'a coûté 30 euros parce que je l'ai payé avec un chèque en euros. Ouais, et alors... Facture, sous les yeux. Tu l'as acheté où ? Tu l'as acheté où ? Je n'ai pas de marque à mentionner. Ouais, je vais essayer de me renseigner et je te dirai ça la semaine prochaine. Par contre, moi je recherche une petite batterie pour Ola, parce que c'est de la demeure. Bon, Ericsson, s'il te plaît, tu t'écrases. J'ai la batterie. Ah bon, tu me le vends combien ? Vas-y, fais-moi un prix. Alors comment est fabriqué ? Combien ? 1200 euros. Mais t'es fou, mais c'est cher quand même. Ton Manu, s'il te plaît. Bah ouais, mais bon, ça vaut le coup, quoi. Tu gères ? Est-ce que t'as une rallonge ? C'est la Gérard, pour calmer le débat, il y a Davy One Live. Vous voudrez savoir si on peut installer sur son portable un ampli Dolby Digital avec caisson basse THX. Non, bien sûr, non, c'est seulement avec un... Il y a Jupiter Movistar qui voudrait savoir si on peut... Oh, mais bon, c'était pour ça. Putain, mais... Jupiler Mobistar qui demande si on peut se servir d'un portable comme Game Boy. Non. Non, quoi, pas du tout. Un portable ouais. Bah si, il y a des, programmes. Ah ouais. Ah ouais, vous avez ça, vous deux, là. Ouais. Ah ouais, mais c'est vrai. Ouais, toi, je me demande comment t'arrives à t'acheter un portable alors que moi, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, moi. Moi. Et moi. Bah rien, je t'écoute. Ouais, je sais pas comment t'arrives à pouvoir avoir un portable. Hein. Pourquoi ? Surtout que t'as déjà pas de moyens, t'es comme moi, alors... C'est pas du tout le thème du débat, enfin, là, tu parles de problèmes personnels. En attendant, il y a Titeuf sur l'IRC qui te demande si les portables des villes ont des batteries plus longues que les portables des campagnes. Batterie de ville, non, je pense pas. Et batterie de campagne, je pense que c'est les mêmes. Ouais. Batterie de cuisine. C'est à peu près les mêmes. Et par rapport à la Game Boy, il y a des Viwanola qui me dit qu'en fait, il y a des portables au Japon, il y a des Tamagotchi intégrés. C'est vrai. Sur le Nokia, on peut jouer au petit ver de terre et plein de trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont, eux. En fait. Ouais, j'ai un jeu, ouais. Ouais, un serpent. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais Pildar, ça commence à bien faire. Ouais, non mais c'est attends, c'est au standard. Mais... Alors comment est fabriqué un portable dans les pays ? Alors on va demander ça à Ericsson. Oui Ericsson. Bonsoir. Bon, tu réponds ? Bah oui, je suis d'accord. Bon d'accord. Alors lui, hop, terminé pour lui, bonne nuit. Allez hop. Allez hop. Comme ça va plus vite avec moi. SFR. Oui, mais comment tu veux que je sache comment est fait un portable ? J'ai jamais été constructrice de portable, moi. Non, mais comment est fabriqué un portable, à ton avis ? Bah, avec du plastique, des touches, et puis, je sais pas, une puce, puis voilà, quoi, un écran. Tu mets une puce dans un portable, toi ? Oui. Et la carte pour taponner, tu sais quoi ? C'est une carte. Bah, c'est une carte. C'est une carte, et en plus, c'est des cartes... C'est une carte, c'est tout. Il y a des trucs qui sont faits comme sur des ordinateurs, il paraît, je sais plus comment qu'on appelle ça, si... Carte à puce ? Non, Intel Inside ? Non, le système... Apple ? Petite batterie ? Rodelfix, ouais, mais je crois que c'est des microcellules puces organiques. Ouais, voilà. C'est très intelligent, en fait. Et vibreur ? Moi, de même, je pense aussi que c'est ça, parce que j'en suis persuadé, je suis allé sur Internet vérifier. Mmh, okay. Plus micro-organique avec un injection. Ouais, c'est vrai en plus. Rigo ? Non, le Minitel il marche plus. Non, il marche plus le Minitel là. Rigo. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je vais le relancer, c'est pas grave. On était à 60 connectés, elle a explosé là. Je vais le relancer, je vais faire un truc. Mais sinon, il y a Yonki Ola sur l'IRC qui il te dit en fait, il comprend pas parce que pour avoir un portable, il faut un justificatif de domicile et il comprend pas vu qu'il t'a vu dormir sous un pont. Alors là, je vais te dire une chose que les conneries. Il ferait mieux de fermer sa gueule parce que déjà, une, il ne faut pas un justificatif de Tommy. Non, mais vous taisez. Non, mais précise que tu n'as pas provoqué d'accident là. Parce que moi, je vois où ils vont en venir avec le pont, tout ça. C'est qui vient de dire ça ? Manu, tu me gères celui-là ? Pas de problème. Et d'ailleurs, en parlant de ça, à la place de Ericsson, on accueille Monsieur Itineris. Faudra peut-être pas prendre les mêmes, hein. Bah non, c'est pas le même. Non. Non, GG, ça fait une heure que je me bats avec mon téléphone, j'ai galéré, putain. Ça se fait chaud. Et en plus, c'est un portable. Ouais, c'est un portable. Allez hop. Ah, pas du tout, attends, je remets le fil. La voilà, ça y est, c'est bon. Non, mais faudra peut-être pas se foutre de ma gueule. Non, mais j'ai remis le fil, t'inquiète. Alors, pour répondre à la question de Rigaud, donc, il faut pas de justificatif de domicile déjà pour commencer. Il faut déjà deux quittances de téléphone. Donc, pour posséder le téléphone chez soi. Et une carte d'identité. Mais pourquoi tu achètes un portable et un téléphone chez toi? Non, mais. Attends, tu peux très bien avoir besoin du téléphone, d'un portable, quand tu te déplaces et que tu peux pas être chez toi pour appeler. Ben pourquoi tu prends pas le téléphone de chez toi dans ces cas-là? Mais t'as raison, toi, abruti, tu vas prendre un téléphone sur toi constamment, toi. Non, mais t'es complètement starbé, toi. Ben pourquoi pas? T'es vraiment starbé, toi. Hein. Non, mais toi, ta question, elle est complètement con. Mais il y en a qui ont pas de téléphone chez eux et qui ont quand même un portable. Hein, oui, mais alors attends, dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a l'autorisation des parents qui ont un téléphone normal, qui ont fourni deux quittances de téléphone. Plus... Est-ce qu'on peut EDF? Non, c'est quittance de téléphone, c'est tout. Ou alors un RIB bancaire aussi. Il faut un RIB pour le prélèvement, ça c'est vrai. Une photo. Une photo de sa copie. Une photocopie de sa carte d'identité et un chèque barré. Un portable. Une photo de ton clébard aussi. Ouais, et ta connerie. C'est plus ce que tu dis. Ensuite, faut plein de renseignements pour un portable. Hein. Ça se passe pas comme ça, l'avenir. Alors vas-y. Attends. Qui c'est qui vient de me dire que c'était faux ce que je viens de dire? J'ai pas dit que c'était faux, mais j'ai dit qu'il faut plein de renseignements. Si t'as fait de la tôle, par exemple, pendant 2 ans, pas de portable pour toi. Non. Là, tu l'as dans le cul. Ouais. Si t'as pas de copine, c'est même pas la peine. Hein. Bon, alors ferme ta gueule. Si, parce qu'elle s'en va. Ferme ta gueule. Bon Manu, s'il te plaît, c'est la dernière. Je te signale, il reste encore. Ça va gicler, hein. Il reste encore 7 questions, il est 2h20. Ouais, c'est pas bon ça, c'est 2h25. Je pense qu'on ira pas rond. Hein, chaud pour Manu. Fais bien ton boulot. Il n'y a pas de problème. Rigaud, oui. Oui, bonsoir. Salut Rigaud, tu vas bien? Ça va bien? Ça se casse les manches! Rigaud de Fun! 9-4-9-4, 9-4 Connection! En force! Hey Gérard, va me chercher un café, mangue-toi! Ta gueule, toi! Rigaud, question IRC! Question IRC, donc il y a Satanas SFR qui te demande: est-ce que les portables des offres spéciales s'inventent? Putain, toi! Attends, je les ai coupés! Ta gueule, toi aussi! Vas-y, donc il y a Ice-T Pengo qui te demande si les cartes rechargeables, ça se recharge, enfin il voulait savoir comment ça se recharge, s'il fallait mettre des pièces dedans, des euros et... Non, alors là... Mais il voulait savoir comment tu faisais avant 2002 quand même. Non mais ça, pour recharger son portable, pour avoir la batterie. Donc pour bien confirmer, et ça de toute manière personne va me le démentir, même pas les auditeurs, parce que pour moi c'est des bandes de petits cons qui... Tu veux pas savoir, mais moi je peux confirmer, et ça Rigaud il pourra me le dire aussi, et ça il faut bien deux quittances de France Télécom, la photocopie de sa carte d'identité et un chèque barré sans préciser. Ou un RIB. Il faut un RIB aussi. Et un RIB, tu peux avoir un RIB. Non mais il y a RIB. RIB c'est postal, c'est pas bancaire. T'as le droit. Si. Ah bon, parce que toi, tu le fais avec ça? Non, mais t'as des relevés d'identité postale. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, à la poste, ouais, c'est postal, ouais, c'est pas bien. Rigaud, il est à la poste. Ouais, bah, moi aussi. J'ai des RIB. Moi aussi, c'est des RIB. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Ouais, non, bah, je dis pas n'importe quoi. Allô? Ouais. Alors, vas-y. Ah non, mais c'est vache, vous nous mettez en antenne comme ça. C'est faux! Tony! C'est faux! T'es encore là, toi? C'est qui ça? Ah non! Tony, dégage là! Il est pas là! Non, à peine! Mais comment ça, il est pas là? Non! C'est un habitué, alors, lui aussi, hein. C'est pas possible ça. Ah non! On leur fait dire ce qu'on veut, hein, d'abord. Ouais. Alors, utilisez-vous votre portable pendant les cours, on va demander ça à Maître Itinéris. Maître Itinéris, tout à fait. Oh là là! Manu! Allô, oui. Je vais gérer, regarde, attends, je le bouge. Hop. Allô? Oh là là là là là là, Manu! Non, allô, Maître Itinéris. Il y a Yankee Ola sur IRC, il voulait savoir, en fait, Ouais, je sais, ah bah, je vois pas là. Moi non plus. Hein, attends, je remonte. Je l'ai perdu, attends, je vais la retrouver. C'est pas grave, on en trouvera un autre. Il voulait savoir sous quel pont il fallait qu'il note son abonnement pour t'envoyer sa facture. Alors là, j'y réponds pas. Oui, pour de l'Alma. Alors toi, tu dégages. Allez hop, Ericsson. Ericsson, boîte postale, 13e pilier. Ah non, Ericsson, il est pas là. Alors je te préviens, Manu, tu me cherches ce connard qui s'amuse à dire ça vite fait. Ok. Avant que tu prennes le deuxième bloc dans ta gueule. Pas de problème. Alors un conseil, fais gaffe. D'accord. Alors SFR. Oui, bah, moi, ouais, quand je me fais chier en cours, j'utilise le portable, hein, ouais, c'est clair. Non, mais je pense qu'en principe, c'est interdit. C'est ouais, comme, c'est comme dans les avions. Hein. Bah ouais, mais bon. Non, mais normalement, c'est interdit dans les cours. Ouais, je sais bien. Parce qu'ils ont bien. Les directeurs des lycées, tout ça, je crois qu'ils sont en train de faire la chasse pour éviter que les gamins s'amusent à téléphoner pendant les cours, bah ouais, lors des examens. Pendant les examens et tout, j'appelle. Manu, celui qui s'amuse. La chasse au con, cours, GG, cours. C'est quoi ton nom, toi? Hein? C'est Roberto, ça. Non, non, oui. C'est qui ça? Bah, je sais pas, j'ai plus les petites lumières vertes comme avant qui clignotent, je peux pas savoir. C'est con. Oui. Itinéris. Oui, non, maître Itinéris, comme t'as dit tout à l'heure. Alors, monsieur Itinéris, s'il te plaît, pour maître, hein, tu vas faire tout. Oh Itinéris, prosterne-toi si tu veux ma réponse. Alors, tu réponds. Bon, alors, moi, je voulais te dire que déjà, l'école, ça fait belle lurette que j'y ai pas été. Lorette, on parle pas de Lorette. Ah, pas de Lorette, oh non. Attends, toi, vibreur, tu as dégagé parce que je t'ai reconnu. C'est pas bon, ça. Donc, moi, je voulais même pas sortir avec cette meuf, je vous le dis tout de suite. Allez, vibreur, terminé. Gérard, t'es pas vibreur. Allez. T'es l'autre. Tu la cannes dans les chiottes, en plus. Ça fait belle Lorette que j'ai pas été à l'école, je te disais. Ça m'empêche pas d'utiliser un portable. Ouais, mais normalement, c'est interdit pendant les cours. Ben oui, mais je vais pas en cours, donc voilà. Ouais, d'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois très bien ce que ta réponse. Comme des fois, tu demandes de préciser, donc voilà. SFR, t'as répondu. Oui, moi, j'ai répondu, ouais. Si tu veux, hein. Non, mais ça y est, c'est bon. C'est bon. Petite batterie. Non, parce que si t'as un doute, tu me demandes, on verra. Je suis à l'antenne. Petite batterie, tu réponds. Oui, mais là, la question c'est quoi? Vas-y, Jojo. Oh là là là là. Non, mais s'il te plaît, non, t'énerve pas. Gérard, il y a Checkmat Bebop sur l'IRC, il voulait savoir si on peut tricher à ses examens avec un portable. Bah justement, oui, c'est pour ça que les profs maintenant font la guerre avec ça. La chasse, hein, ils font la chasse. Ils font la guerre et la chasse à cause de ça, parce que lors des examens, t'en as beaucoup qui se font appeler. Bon, ils mettent une sonnerie pour pas que l'entendre. Ils peuvent mettre la position vibreur. Tu sais, maintenant, il y a des vibreurs à la place des sonneries que t'as le droit sur les portables. Ouais. C'est pour ça que maintenant, il y a plus de réussite. Pourquoi? Parce que les gens s'amusent avec des portables, même des tatous maintenant. C'est interdit dans les lycées parce qu'ils se sont aperçus lors des examens que les gens... Il y avait trop de réussite, parce que bon, ils avaient ça, ou même avec un tatou. Donc, ouais, c'est ce qu'est en train de me dire Ola, le Gérard masqué, il me dit que lui, il triche avec son tatou. Il s'envoie les cours, et... Ouais, celui qui rote, c'est super, ça. T'es vraiment con, Manu. C'est vrai, vous êtes vraiment des porcs, là. Hein. Ah là là. Vous êtes vraiment des porcs. Donc, sinon, je passe un coucou à Supa, qui essaye de participer. Supa. Gérard, excusez-moi, 30 secondes. À la place de vibreur que t'as viré, on accueille MobiCart. MobiCart, salut. Bonsoir. Bonsoir, salut. À toi. Voilà. Alors, petite batterie. Alors... Attends, MobiCart, on va demander à petite batterie, parce que lui, je crois qu'il est en train de dormir. S'il dort, il va aller dormir tout de suite. Hein. Non, mais je dors pas, mais le portable, c'est bien. Mais il faut pas en abuser. D'accord. Je te demande, est-ce qu'on peut les utiliser pendant les cours? Oui, mais non, mais... Moi, non, mais tu travailles ou sinon, si tu dors, tu vas retourner voir Manu, tu vas aller dormir. Non, mais j'ai sommeil. T'as sommeil, au revoir. Allez, hop, comme ça, tu vas pouvoir dormir. Oh, tu m'énerves, là, maintenant. Allez, hop, Gérard. Petite batterie, au revoir. Sur IRC, il y a Yankee Ola, il voulait savoir à quelle date ouvre la chasse au portable. Aucune idée. En octobre. Non, en septembre, avec la chasse. MobiCart. Oui. Donc, pour toi? Bah, moi, en fait, je me suis fait virer du bac parce que j'avais triché avec mon portable. Donc, j'ai dû repasser le bac cette année, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est... Non, mais donc, tu reviens à la question qui avait été posée sur à la question. Tu reprends ce que j'avais dit, donc que maintenant, il y en a beaucoup qui trichent avec ça. Voilà, il y en a beaucoup qui trichent, mais bon, ils essayent de faire la loi, quoi. Ouais, mais même, ils... C'est facile, hein. Non, mais de manière, ils y arriveront pas, hein, là. Si... Ah, ils peuvent pas, hein. Ça, c'est de la faute des professeurs, et puis c'est aussi de la... Parce que maintenant, il faut dire une chose, que tu vois beaucoup de jeunes, ils ont à peu près 15-16 ans, qui ont déjà des portables. Ils ont déjà le portable. Ouais, mais les profs, ils font chier. C'est la décadence. C'est la décadence, Aurélie, c'est clair. Quoi. Non, mais attendez. Attends, Gégé, si ta vie amoureuse, elle est ruinée parce que t'as raté beaucoup de fils d'une meuf à cause d'un cours... Non, mais attends. Oui. Attendez. Ça, l'histoire de ta vie amoureuse parce que tu rates un... Tu rates un cours à cause d'une vie amoureuse, je dire une chose que ça, non. Hein. Ouais, mais regarde, l'autre fois, j'avais fauché. Non, ma vie amoureuse, elle est super, moi. Attendez, s'il vous plaît. Gérard, tu veux pas. Attendez, il y a Manu qui veut... Ouais, à la place de petite batterie, on accueille Nokia. Ah, salut Nokia. Bonsoir. Et avant d'accueillir mon pote Nokia. Mon pote. Voilà. Il y a Bouygues Turpentier sur l'IRC. Elle te demande si t'as un kit main libre sur ton portable pour quand t'appelles des numéros roses pour te branler en vrai. Main libre. Non, parce que je sais même pas si ça doit exister. Un kit coup libre. Ta gueule à toi. T'as une oreillette à ton kit. Putain, toi je sens qu'il y en a qui vont gerber vite fait. Hein. Ouais. Okay. Alors peut-on conduire quand on est au téléphone avec son portable? Ça, c'est impossible. Alors, monsieur Itineris. Ouais, bah écoute, je crois que c'est interdit par la loi, hein, si je ne m'abuse. Attends, vas-y, je vais continuer. Ouais, donc c'est ton maître qui te parle. Non, mon maître, attends, je suis pas ton maître, d'accord, non, puis je suis pas ton copain. Toi, t'es mon larbin, toi, c'est moi le maître, ok. Bon, alors toi, Itineris, au revoir. Et hop là, écoute-moi. Et monsieur Itineris, au revoir. Allô. SFR. Oh SFR. Oui, c'est moi. Oui, allô, c'est mon maître qui te parle. GG, tu m'entends? Là, vas-tu m'obéir? Jamais de la main. Manu, mets-toi à genoux, esclave. Je viens de te dire de virer Itineris. Je sais, je suis en train. Il n'y a pas d'essayer, tu le fais tout de suite. Mais ça prend du temps, je le fais. Je veux pas le savoir. SFR. SFR. Manu. Bon alors, c'est bien. T'as broyé le truc. Bon alors maintenant t'as grillé le standard. Non mais c'est bien, t'as viré tout le monde. Putain. Non, j'ai pas viré tout le monde, ils sont là. Ah ouais, je retiens un auditeur. Allô. Bah non, je sais pas, ils sont là. Si, on est là. Ah, un pile d'art. Mais ça, c'est le don de Manu. Gonflable. Feignasse à 11h. Gérard, il y a une question. Ah, ouais, c'est terminé, tu prends sa place. Tu prends sa place. Bocal derrière. Celle de F de Babouin, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Là, lui. Bah, attendez deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? Là, il fait que des conneries. Il me vire les gens. Alors que... Il y a eu un cours jus, t'as pas entendu? Ouais, c'est ça. Mon cul, il y a eu un cours jus. Ouais, mais des fois, il y a des preuves, ceci. Donc, Rigo, oui. Oui, il y a Fesse de Babouin Portable qui dit qu'il a reçu ton message sur son portable et il va aller chier sur ton palier, si ça peut te faire plaisir. Ouais, bah alors, Fesse de Babouin, fais-moi confiance que toi, je t'ai déjà prévenu tout à l'heure au téléphone que ton numéro, demain, il est au flic. Alors, fais bien gaffe à toi. Fais bien gaffe à toi. Là, ce que tu vas faire, parce que si tu me fais chier, moi, ton numéro, ce soir, je le balance devant tout le monde, comme tu voulais faire avec moi. Alors attention à ton matricule. Et sinon, sur IRC, il y a Bouygues Turpentine qui est revenu, elle était partie se laver le cul. On va se pas mal. Ça sent meilleur. Itineris, c'est parti. Oui, voilà, monsieur Itineris, c'est parti. Et à la place, on accueille StarTac. Salut, bonsoir à tous. T'es stock au sein, Manu. T'es chelou, c'est là. Bonsoir. Bon, alors, peut-on conduire quand on est... Bon, GG. Peut-on... Attends. Une question. Ouais, ben, je reprends. Il y a un portable. Il y a un portable. Manu. Qui a-t-il? Ton boulot correctement, s'il te plaît. Bah, pourquoi j'ai rien entendu, moi? Non, t'entends rien, c'est vrai, le cul, c'est comme... Le reste, ça se lave. Ah, c'est vrai. Hein? Et t'amuses pas à te foutre de ma gueule avec toi, ton casque constamment. Putain, ben, Jean. Pardon. J'ai un truc à dire. Vas-y, on t'écoute. Alors, la question, vous fermez vos gueules. Ouais, j'ai un truc à dire. Là. Vas-y, raconte le speed. Bon, c'était pour dire qu'en fait, ils avaient interdit les portables dans les voitures, sauf si on avait un kit main libre. Je me suis renseigné là sur internet. Hein. Ok, c'est un killer, Berthier. Excellent. Bah, c'est pas Berthier, moi. Non, lui, c'est Rip. Bon, je pense qu'on va arrêter avant 3h du matin. Non. Je le pense. Non, SFR. SFR. Oui. Et ben moi, faut pas me parler de ça parce que je me suis fait écraser par un mec qui roulait. Oh merde. Qui avait justement un portable dans la main et qui regardait pas où il allait. Et je me suis fait écraser. Donc je trouve ça un peu dégueulasse. Donc j'aimerais bien que le téléphone portable dans les voitures se soit supprimé. Mais ça, de toute manière, avant que les autres répondent, moi, je peux le certifier. Et ça a été annoncé à la télé. Il paraît que c'est hyper dangereux. Mais ça coûte. J'en ai fait les frais, donc vrai, je connais. C'est vrai. Et ça coûte de l'oreille. Ça coûte à peu près 3000 balles d'amende. C'est faux. Non. Oh, ta gueule, à toi. Celui qui arrête pas de me dire c'est faux, toi, tu as dégagé. Non, mais c'est vrai. Hein, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de tes conneries. Allô, Gérard ? Ouais, c'est moi. Alors, Spartak. Salut, toi. Ça va bien ? Putain ! Manu, le bordel ! Manu, tu me fais un bordel pas possible ! J'ai un petit truc. Sur IRC, on me demande si t'es au courant du fait que les portables sont dangereux, tu sais, comme les micro-ondes. Les micro-ondes, ça émet des ondes, en fait, c'est dangereux. Et peut-être que les portables, en fait, quand tu l'as au téléphone, ça passe des ondes dans ta tête et ça peut être vachement dangereux. Non. De manière, pour déjà, une, ça a été interdit maintenant. Si tu te fais piquer par les flics en train de téléphoner en conduisant, ça te coûte 3000 balles. Ouais, j'étais vachement dangereux. Ça n'a rien à voir avec le micro-ondes. Ouais, mais l'histoire du micro-ondes, je vois pas du tout le rapport. Ça n'a rien à voir. Ça fait plein d'ondes avec le portable. C'est chelou, quoi. C'est clair. Sinon, on me demande aussi sur IRC, est-ce qu'il y a déjà un fantôme qui t'a parlé dans ton téléphone ? Parce que des fois, les fantômes, ils passent par les télés et tu vois la télé. Si. Dans l'émission qui passait sur TF1 avant, vous voyez ça. Mystère. Non, à mon avis, je pense pas. Spartak ? Ouais, alors moi, je suis anti-portable. Parce que toutes les mauvaises nouvelles que j'ai eues, c'était avec un portable, en fait. J'ai complètement délaissé ce moyen de communication. Nokia. Donc, c'était un mytho. Hein. Dans la voiture, c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le kit main libre. C'est ce que j'ai dit, en fait. Hein. Le kit main libre. De fun. Le kit malibre de fun. Fun. Nokia. Ouais, Gérard. Nokia. Oui, je t'écoute. C'est la voiture au de fermer. Oh ouais. Merci. J'écoute. Alors Nokia, je vais te dire une chose, le kit malibre, c'est pareil. C'est comme si t'écoutais Putain, mais merde! Et Manu, tu me le vires celui-là, tu me le vires. J'ai t'appeler ça parce que c'est toi qui risque de virer. J'aurais aimé savoir. Pour calmer, tu peux peut-être sortir les sondages que t'avais sur les portables. Pour calmer tout le monde, sors ta queue, là. Sors ta queue que je te suce. T'es qui, toi ? Je croyais que c'était Mobicart, mais ça y est, j'ai géré. Tu le vires. Ça y est. C'est terminé. Et Pégap, parce que Manu, tu me reprends encore des habituels. Je te jure, t'as le deuxième bouquin dans ta gueule. Mais il n'y en a pas. Non, à peine. Bah non. Il n'y a personne. Non, moi, je suis pas une habituelle. Ouais, t'as pas d'habituel, toi. Il n'y a pas d'habituel, il n'y a pas moyen de gueuler. Alors, ça, c'est pas moi qui les ai pris, c'est Manu. Alors, êtes-vous pour ou contre les portables ? Alors, il y a 51% qui aiment être pour, mais sont contre. Alors, ça, Manu, c'est du travail de merde que tu me fais. De merde. Ouais, je sais. Comme t'es en train de me faire au standard. Alors, non, il y avait des trucs bien aussi. Ouais. Non. La faute, il était bien. Non, mais Manu, tu me fais du travail de merde. Ah ! Ça suffit ? Ouais. Hein, donc c'est la dernière fois que je te le dis parce qu'il y en aura le bol. Alors là, une autre question. Alors pour répondre à Nokia en fait, t'es toujours là ? Bien sûr. Donc quand tu me parles des kits main libre en portable, ouais. Hein, c'est à peu près le même système que d'écouter un Walkman. Donc quand t'entends pas la personne qui klaxonne derrière toi. Si, puisque tu as une seule oreillette. Non, t'as les deux oreillettes, je suis désolé. Ah non, tu en mets qu'une seule. Parce que moi je l'ai. Ça s'appelle un Walkman. Et tu mets qu'une seule oreillette. Et là, c'est bon, il n'y a pas de problème, t'entends. Mais sauf si t'es sonotone, c'est pas bon, quoi. Non, mais je pense que tu te suis. Je peux te dire une chose, que même ça va bientôt être interdit. Hein. Les sonotones ? Non, mais les kits oreillettes et même les Walkman, bientôt, ça va être interdit. Et pourquoi ? Pourquoi les Walkman ? Non, parce que c'est pareil, quand t'as des gens qui klaxonnent, tu les entends pas, donc je pense que ça va être interdit, tout ça. Il y a ça trop aussi de décibels, en fait. Ouais, c'est qui, ça ? Il n'y a pas d'habituel, on t'a dit, il n'y a pas d'habituel. Ouais, non, à peine. On n'a pas sauté de ma gueule. Ouais, hein. Gérard, d'ailleurs. Il y a 3 ans et il ne faut pas commencer. À la place de Mobicart, on accueille JSM. 94. Oui, allô, bonsoir. Oui, je suis là pour remplacer les habituels. Allô. Allô, bonsoir, GG. JSM, bonsoir. Attends, ça dit pour rien. Ouais, bonsoir. Bon, alors, comment choisissez-vous votre portable, votre couleur de portable, forme ou autre? Gérard, avant, j'ai une question de Jupiler Mobistar. Donc, il te demande, en fait, si les portables fonctionnent au gaz, au pétrole, au diesel, au sans-plomb ou au LPG. Alors ça, c'est que des questions comme ça. Ça dépend lesquelles, justement, on va le savoir là avec la question. Non. Ah, si. Ah bon? Attends, t'as déjà vu un portable qui fonctionne au diesel, toi, pauvre con? Toi tu fumes plutôt un joint. Tu joues comme la gaffe, hein. Puis après tu fais que des conneries, tu commences à danser qu'à 11h du soir. C'est ton idole, hein, la gaffe, hein. Spartacus. Ouais, Spartacus. Moi je t'ai dit que j'étais anti-portable. Je dis jamais pas ça, en fait. D'accord. Ça s'est passé tranquille. SFR. Ouais, mais j'ai pas entendu ta question là. Alors, comment choisissez-vous votre couleur de portable, forme ou autre? Alors moi, c'est par rapport à ma garde-robe. Alors j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de couleurs et puis il me fallait un portable qui allait avec toute ma garde-robe. Donc j'ai choisi un noir. Pourquoi tu dis pas la vérité? Tu dis pas que c'est par rapport à ta chatte? Pourquoi tu dis pas? Tu restes poli, toi, s'il te plaît. Non, mais ta famille, elle écoute, ça y est, elle dit... Voilà, mais tu fermes ta gueule, moi, je te dis. Non, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Mais toi, tu restes poli. Tu restes poli et tu fermes ta gueule. Bon, on arrête, là. Bon, alors, de toute manière... Hein? Ça va être SFR, t'as répondu? Bah ouais, j'ai dit par rapport à mes fringues, alors bon voilà, c'est bon. Nokia. Alors en fait, t'as pas trop le choix, c'est entre du gris et du noir. Non, tu veux maintenant t'as pas mal. D'accord, mais plein de portables aussi. Des argentés, des or. Ouais, c'est aussi, t'en as aussi des. Non, mais c'est des portables de merde aussi. GSM pour finir. Tu peux répéter la question? Non. T'as même des étuis en poil de fouf, dans un très bon modèle, que l'hôtesse nous présente. Tu sais qui s'amuse à dire ça, hein? Tu viens chez moi après, Jean. Ta gueule à toi. C'est bon. Bon, de toute manière, je pense que... Non, on va faire une autre question, là, parce que là, ça pulse bien, là. Laisse tomber. Gérard, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Gérard. Tu regardes, voilà. Il y a Satan SFR qui te demande si un bon portable peut décoder Canal+, en le posant sur sa télé. Non. Non, parce que je pense pas qu'ils aillent encore trouver le système. Mais ça fait quand même des interférences. Ouais, mais même, déjà, souvent, ça dépend de tes télés, mais souvent, t'as le portable qui passe dans la télé. Ouais. Ça dépend des portables. Et GSM pour finir, pour les couleurs. Ouais. Ouais, d'accord. Attends, je viens d'arriver là, hop là, je suis là. Hop là. Bah écoute, ce qui compte, c'est quand même la forme, faut que ça glisse bien. Et puis la quantité de vibration quand même que peut fournir le vibreur, je pense que c'est les deux critères primordiaux. D'accord. Ça arrive à capter l'essence même de ce mot. Okay. Ouais, c'est le plus important, le vibreur. Le vibreur, c'est quand même hyper important. Et je conseille la couleur camouflage parce que ça cache bien les taches quand même. Donc, bon, c'est bon, on a bien compris. C'est le portable de l'armée, ça, c'est... Bon, bah, justement, c'est pas le thème de la question. Donc, avant de passer à la musique, et puis pour finir le thème du débat, Rigo, si tu pouvais me dire pour... Le troisième vas-y, la troisième position de Position du point IRC, je sais pas. C'est à côté du point G. Je crois. Hein. Non, mais de savoir combien qu'on est. Ah, tout simplement. Voilà, c'était simple. Je comprends rien, Hugo. Ouais, décidément. On est 8541 personnes. Mais ouais, non, mais c'est énorme. Bah, c'est pas mal. Standing ovation. Ouais, allez, standing ovation. Et donc, Oh, mais il dort, lui. Quoi? Non, mais il dort, laisse-moi. Merci, les mecs, c'est gentil. Non, non, mais il dort. Donc, la question, on va pas faire celle-là. Si, on va faire celle-là. Alors, avez-vous reçu des portables pour Noël ou autre fête? Oh, putain. Manu, s'il te plaît. Je gère. SFR. Ouais, bah alors moi je l'ai reçu en fait pour mon anniversaire il y a très longtemps, ouais. Voilà. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à d'autres? Non, ouais, mais de toute manière, si je parle de Noël ou autre, fête, ça peut être pour le jour de l'an ou son anniversaire ou autre. Moi je l'ai reçu pour Noël, donc voilà, c'est tout, quoi. Ah bon, bah tu viens de me dire pour ton anniversaire. Ah bah, en fait, Noël. Je l'ai reçu pour le jour de l'an. D'accord. Hola. Ouais, pas de portable, pas de bateau, pas d'amis. Par contre, j'ai reçu une boîte de pâté au poisson qui était très bonne. D'accord, Julie. Non, moi, j'ai pas reçu de portable, j'aurais bien voulu, mais non. On n'a pas eu la bonne idée de m'en faire des portables. Et GSM, je vais parler comme toi, tiens. Ouais, bah écoute, moi aussi, je vais parler pareil. Et puis, je vais te dire que, bah non, j'en ai pas eu. J'espère bien que ma copine, elle pourrait m'en offrir un pour la Saint-Valentin. Justement. Voilà, voilà. Ça a grillé le plan de Gérard. De toute manière, pour la Saint-Valentin, je vais vous dire une chose, qu'il y a quand même... Il y a des packs spéciales du haut Gogol. Il y a quand même des kits qui sont offerts. Des kits. C'est-à-dire, t'as un coffret... Photo dédicacée. Non, c'est la pièce de Casimir. T'as un coffret avec deux portables dedans. T'en as un gratos? Oh, ta gueule! Manu, Gérard, tu dis des conneries comme ça parce que tu viens mettre un de ton micro. Gérard, sur IRC, il y a parfois, s'il me fait tellement pitié que je vais poser sa question, est-ce qu'on peut téléphoner par une cabine téléphonique portable? Oh, tu réponds! Non. Oh là là. Allez les gars, ça va être tout raide maintenant. Bon, bah, alors toi, tu vas dégager. C'est Polo. Tu sors d'où, toi? Bah, qui appelle des France Télécom. Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas dégager vite fait, toi aussi. Quelle est la différence entre un portable et un GSM? De toute manière, c'est des marques de portables, hein. Merci. Non, mais attends. Portable, c'est pas une marque de portable. Ah, GSM, c'est pas un portable? Oui, mais non. Là, oui. Ouais, ça m'étonnerait. Oui. GSM, donc quoi? La différence, c'est qu'un portable, c'est relativement pourrave. Alors qu'un GSM, ça cartonne bien. Non, ça veut quand même dire gros sac à merde. Et franchement, avec un GSM, t'entends très bien les communications. Y a pas de problème. Okay. Donc moi, je conseille à tous des GSM. Il y a Jupiler Mobistar, il te demande qu'est-ce que ça veut dire GSM. Gérard, je voulais te demander un truc. Gérard, suce-moi. Gros sac à merde. Et oui, ah, c'est ça, c'est Gérard Suchet, ouais. GSM. Ouais. Celui qui s'amuse à remettre ce truc-là à la conclusion va se faire Sadomaso, plus de Gérard Sadomaso. Ouais, c'est ça. Merci. Ginny. Allô. C'est encore sur l'anniversaire, sur le portable ou pas? Oui, c'est encore sur les portables. La différence entre le portable et le GSM. En fait, c'est la même chose. Le GSM, c'est le portable, mais c'est le nom de fabrique du portable. D'accord. Ça t'embouche à coin, ça, hein? Ouais. Hola. Moi, j'y connais rien en portable, donc. Non, mais tu. Je peux pas te répondre, j'y connais rien. Quoi. Ouais, mais t'as quand même, quand tu vas dans un magasin pour acheter un portable, t'as quand même. Je vais pas dans les magasins acheter les portables. En fait, quand t'arrives pas à répondre à la question, tu le fais parler ce blaireau. Attends, tu vas fermer ta gueule. Ça c'est une technique. Ça c'est une technique. Oh là là, il y a des mecs qui sont Manu, tu me gères là vite fait. Je gère. C'est pas moi, oh. Allez hop là. Toi, il rote en parlant, il est fort lui. Oh là. Bien joué, salut. Bien joué. Bah non, j'ai géré. Alors, SFR. Oui, écoute, je comprends pas ta question parce que GSM, c'est seulement une marque de portable et le portable, c'est le téléphone. Mais non, oh là là. Si. Elle comprend rien. Oh, bougeole un peu là derrière. Oh. Gérard, il y a Ola le Gérard Masqué, il te demande si on peut brancher plusieurs portables en réseau pour si on peut brancher plusieurs portables ensemble pour jouer en réseau. Voilà. Non. Comme les quéquettes avec Gérard. Voilà. Alors toi, tu fermes ta gueule, d'accord, connard? On va faire un gros réseau, tu vas voir. Ouais, ben toi, tu dégages, au revoir. Il y a un bug. Allez hop. Le GSM, c'est de la merde, moi j'utilise là. Non, je suis pas d'accord, c'est GSM, je suis pas d'accord. Ah, si. Non, c'est très bien. C'est vrai que c'est un peu de la merde, le GSM, quand même. Alors, pas. Gérard, je vais te mater, moi, tu vois. Ouais, donc, à la place de Ola, que j'ai géré comme un dieu, on accueille Sagem. Ah, lui aussi, c'est un pote. Bonsoir, pote Sagem. Alors, l'avant-dernière question, bonsoir Sagem. Oh, les voix, les mecs. L'avant-dernière question, peut-on faire des rencontres avec un portable? Quoi? Sagem, tu commences à te calmer, s'il te plaît, je pose la question. Peut-on faire des rencontres avec un portable? Ouais. Peut-on faire des rencontres avec un portable? Comment tu connais les questions? Parce que Pildar vous les a dit. Non, c'est pas compliqué à deviner. Hein. Non, mais c'est normal. La fin, ils savent très bien que ça va être portable. Ouais, c'est tout. Non, mais attends. Casserole. Non, mais maintenant, tu m'appelleras plus pour les questions. Comme ça, plus personne ne laissera. J'ai pas de rien, c'est Yeravi. C'est ton frère ou quoi? Des talents de. Alors, SFR. Oui, on peut faire des rencontres avec un portable. Sinon, c'est un numéro, et c'est tout, quoi. Pour rencontrer des gens, et puis voilà. Comment veux-tu? Attends, attends, SFR. Oui. Manu, oui. Tu me calmes, Solmi, qui s'amuse à déconner quand ouais. quelqu'un parle, parce que ça commence à me gonfler, là. Mmh. Et là, tu vas me punir le débat vite fait. Toi, tu fermes ta gueule, maintenant. Eh, Gérard, c'est toi le petit qui boite avec une moustache que j'ai vu dehors, là? Qui a dit ça? Alors, tu te démerdes, tu gères. D'accord. Allez, donc, SFR. Oui, bah, je disais, si, par exemple, tu fais un faux numéro, tu tombes sur quelqu'un, et puis finalement, tu discutes avec, bah, tu peux rencontrer la personne comme ça, c'est tout. Ouais, je pense, ouais, mais c'est pas évident quand... Mais c'est la même chose sur un téléphone normal, hein, tu sais, c'est toujours un téléphone. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime. Ouais, alors, il y a un kit pas d'amis. Donc, c'est en fait un portable qui te donne avec toute une liste de numéros. Et là, tu peux faire des rencontres. Ah, c'est le kit pas d'amis, ça, c'est génial. Ouais, c'est trop bien, ouais. Génie. Ouais, alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup de rencontres par le portable. Et d'ailleurs, si jamais il y a des nymphomanes qui nous écoutent, mon numéro est au standard et notre charmante hôtesse Malifon vous fera un plaisir de vous communiquer mon numéro. La cochonne. Voilà, tout à fait. J'ai ça, ok, très bien. Bah écoute, moi, c'est un peu pareil. Moi, je suis plutôt beau gosse, donc déjà, j'ai pas besoin d'avoir un portable pour faire des rencontres, et si vous voulez m'écrire, vous envoyez tout ça à la radio, il n'y a pas de problème, l'hôtesse est... On va rue Bayard, 7508, Paris, on va tout vous péter dans les bandes annonces. Bon, on pourra les faire. Voilà, il y en a qui se marrent direct, tu vois, ils se foutent de notre gueule. Manu, tu veux faire ça vite fait, parce que je commence à en avoir ras-le-bol, là, pour finir le débat. J'ai trouvé, c'était Lorette, je crois. Lorette, il l'a niqué dans mes chiottes, ce salaud. Lorette, bouffe-moi la quéquette, Lorette. J'ai même un truc à vous dire, c'est faux. Sur IRC, il y a Belge Boris qui te demande si le kit oreille libre sera bientôt disponible. Ben non, ça va être interdit. Il peut plus l'autoriser, ça va être interdit, parce que pour conduire, c'est interdit. Donc, faudrait qu'il se réveille que maintenant. Non, c'est le kit main libre, parce que ça t'occupait les mains, mais le kit oreille libre. Mais même, ça sera pareil. Il faudra que tu le branches sur ton portable et tu pourras pas entendre si quelqu'un klaxonne derrière toi parce que t'avances pas, tu pourras pas l'entendre. Donc, ça revient pareil que si tu avais ton téléphone à la main. Ah, ok. Ça revient presque à la question de... On parle aussi du kit pied libre. Non, je vois pas du tout le truc hein, là-dessus. Donc, dernière question. Donc, peut-on commander une pizza peut-on commander une pizza ou autre avec son portable? Alors on va demander à SFR pour finir. Alors eh bien, écoute, je pense qu'on peut tout commander. Manu, je gère. Sors, avance près de ta base. Avance près de ta base, voilà, parfait. Tourne, retourne. Manu, retourne dans ta cuisine. Voilà, merci. Cool. Alors SFR. Encore, ça sent le remix. Il fait le montoir. Bon, alors, je pense que... Là, il va se faire mon petit remix. C'est ton kiss poilu, là, qui fait interférence. Ta gueule à toi, connard. Les paradis. Si je veux dire. Oui, ben, on peut tout commander sur un portable tant qu'on a le numéro du truc à appeler. Ça, j'aime. Non, c'est pas possible. Parce que c'est bien plus cher d'appeler avec ton portable pour te commander une pizza hut plutôt que vrai. De commander de chez toi. C'est vrai, mais... Je te demande pas ton avis à toi. Oh, ça j'aime. Je vais dire une chose que... Oh ta gueule, connard. Il est dans ses chiottes, lui. Hein. Alors, génie, pour finir... Tu réponds. Génie. Ouais, ben non. Commander un truc. Je choisis les pizzas, mais ça dépend en fait. J'appelle au portable seulement quand il y a les pizzas avec la pepperonize. On va t'en faire la coulisse de base. Alors, Jenny, tu dégages, au revoir. On va t'en faire. Bonne nuit pour Jenny. Ok, GSM pour finir. Ouais, non, moi je mange pas de pizza. Donc, pas de pizza, pas de portable. Pas de chocolat. Ok, conclusion. Non, maintenant c'est bien. Conclusion du débat. Oh, c'était un bon débat. Hein. Ah ouais, hein. On s'est bien arrêté. Je me suis bien reconcilié avec mon pote Bizarre de Fun. Manu, s'il te plaît. Oui. C'est faux. Mon pote Rigo de Fun, je le kiffe. J'aime tout le monde. J'embrasse tout le monde. Voilà. Les nymphomanes, vous avez mon numéro. Appelez-moi. Manu. Oui. Qu'est-ce que je le fasse? Tu le dire? Il fait sa conclusion, non? C'est j'aime, je vais faire ma conclusion. Pour l'instant, je demande à SFR. Il a répondu, j'ai dit, le portable c'est bien, on abusait, ça craint, c'est tout ce que j'ai dit. Oh, ça c'était bon, ça. Ok, ça j'aime. Oui, alors, les portables, le débat, il était vraiment mortel. T'as cartonné, Gérard. Ça, c'était de la balle. Et sinon, je voudrais dire aussi à Tony que quand il suit chez WAMS, il tire la chasse. Non, mais t'inquiète pas, c'est dégueulasse. Je sais qu'il est encore dans le deuxième débat. Non, mais par contre, Gégé, merci. Et en plus, il suit la porte ouverte, en plus. Il était encore dans le deuxième débat. Ginny. Ouais, Gérard, tu peux répéter la question? Non, c'est la conclusion. Ouais, donc c'est génie. Ouais. J'embrasse Tony. J'embrasse mon pote Rigo de Fun. Ouais. Mon pote Manu de Fun. Yes, je te kiffe. Mon pote Fildar de Fun. Il répond pas, c'est pas grave. Donc, je suis prêt pour me faire pardonner, mon pote Fildar de Fun, à t'emmener en week-end à Center Park. Ouais. Ouais, c'est GSM. Ouais, bah, je voulais dire bravo pour Tony pour sa déclaration d'amour à Fildar. Bon, mais on savait que c'était Tony, hein. Je trouve que c'est beau, je trouve que c'est quand même un enculé parce qu'il n'a pas parlé de Arnett et de moi. Donc, ouais, non, mais. Sinon, pour une fois, bah, tu vois, ça a été ton débat, ça s'est bien passé, ça a été un joyeux bordel. Ouais, si tu veux, ouais, pas de problème. Ouais, non, mais surtout avec les habituels, c'est toujours le bordel. On a bien rigolé, GG. Ouais, non, mais moi, j'aime pas faire des débats avec les habituels. Pourquoi tu nous aimes pas, nous, en fait? Non, non, mais moi, j'aime pas faire des débats comme ça, c'est tout. En de bon entendeur, salut pour la semaine prochaine pour vous. À la semaine prochaine, Abiquet. Ouais, c'est ça. Bon, Gérard. On s'appelle demain, on règle ça ensemble. Bon, Manu, tu me casses. Ma grosse poule. Rigo, pour finir. Oui. Tiens, je voulais juste te demander un truc. Merde ! Voilà ! Rigo. Alors, on a énormément de conclusions sur l'IRC, vu qu'on a quand même atteint encore un record. On est 8723. Donc, on remercie tous les gens de l'IRC. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore un problème. Non, mais ils s'amusent à te couper sans arrêt, Fildar. Donc, alors, on va lire des conclusions vite fait. Conclusion d'Arnett qui dit que Gérard, tu es une grosse cochonne et ton débat, c'était super naze. Sinon, Perforas, il dit qu'il faut dire à Rip qu'il a pas le droit de faire rentrer des gens à l'école, dont Aurélie. Mais bon, ça passe pour cette fois parce que c'était une exception. Et Satan SFR, il dit que les portables, c'est bien, mais ce serait parfait quand Jojo viendra les laver à domicile. Voilà. Et il y a Turpentine qui m'a forcé de te dire que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi.